Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Je veux parler à quelqu'un qui s'adonne au vin alcoolisé. Mon ami, le vin alcoolisé, c'est une occasion de chute pour toi et ça te conduit souvent à la débauche. Abandonne ce que tu fais et tu verras que Dieu va restaurer ton foyer, il va restaurer tes finances. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ta femme, réveille ton mari, réveille ton voisin. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 60. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons le psaume 60. Au chef des chantres, sur les lits, lyriques, hymne de David pour enseigner lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsoba. Et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 édomites. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ces brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Je partagerai Sichem. Je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi, Galad. À moi, Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête. Et Juda, mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins. Pousse à mon sujet des cris de joie, qui me mènera dans la ville forte, qui me conduira à Édom. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortes plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Nous allons partager trois vérités tirées de ce psaume merveilleux. Première vérité, nous avons parfois l'impression que Dieu nous a repoussés. David avait cette impression lorsque les ennemis d'Israël prenaient le dessus sur son peuple. Le verset 2 nous permet de situer le contexte de ce psaume. David l'a écrit lorsque son armée conduite par Joab bâtit dans la vallée du sel 12 000 édomites. Cet épisode intervient juste après qu'il ait fait la guerre aux Syriens de Mésopotamie et à ceux de Tsoba. L'histoire est racontée dans 2 Samuel 8, 13 à 14. Plusieurs interprètes sont d'avis que David a d'abord crié à Dieu lorsque son armée avait connu dans un premier temps la débâcle devant les Édomites. C'est par la suite que Dieu lui donna la victoire. C'est pendant ce temps des débâcles que David avait cette impression que Dieu les a repoussés. Il utilise plusieurs expressions qui corroborent cette assertion. Il dit, tu nous as repoussés, dispersés, au verset 3. Il dit encore, tu t'es irrité, verset 3. Il dit, tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, verset 4. Cette défaite ressemblait à un tremblement de terre. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, verset 5. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement, toujours verset 5. Vous voyez, toutes ces choses nous montrent que nous pouvons avoir l'impression qu'avait David. C'est comme si Dieu nous a repoussés, Dieu abandonne son peuple. Le verset 6 parle de la bannière que Dieu a donnée à ceux qui les craignent pour qu'elles s'élèvent à cause de la vérité. Ce passage s'inscrit dans la logique de l'abandon de Dieu à son peuple. La Bible du Semeur a traduit ces versets comme suit. « Tu as donné un signal aux hommes qui te vénèrent pour qu'ils prennent tous la fuite devant les tirs ennemis. » La Bible Second 21 l'a traduit comme suit. « Tu as donné à ceux qui te craignent le signal de la fuite devant les archers. » Dans son humanité, Jésus se voyait abandonné par le Père sur la croix. C'est pourquoi il pouvait crier « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cet abandon temporel qui semblait donner à Satan la supériorité sur Jésus était voulu par le Père afin de faire subir à Christ la condamnation due au péché du premier Adam. Mais en même temps, la croix était le lieu de la condamnation de Satan et des puissances des ténèbres, selon Colossiens 2, verset 15. Je vais dire à quelqu'un, oui, tu traverses peut-être des moments difficiles, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Après ce temps de souffrance, il y a quelque chose que tu vas vivre, il y a la gloire que tu vas vivre. Deuxième vérité, Dieu nous délivre de nos ennemis et nous fait triompher sur eux. David demande la délivrance divine. C'est pourquoi il dit « Sauve par ta droite et exauce-nous ». Dans la Bible, la droite de Dieu sert à désigner sa puissance et sa force. Lorsque Dieu a englouti l'armée de Pharaon de la mer Rouge, Moïse pouvait dire dans son cantique « Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. » Exode 15, verset 6. La réponse de Dieu ne s'est pas fait attendre. Il a promis à David le triomphe. C'est pourquoi le verset 8 dit « Dieu dit dans sa sainteté, je triompherai ». D'autres versions disent « Dieu dit dans son sanctuaire, je triompherai ». David veut mettre l'accent sur le lieu à partir duquel Dieu fait cette déclaration. Son sanctuaire, son lieu saint. Le sanctuaire était considéré en Israël comme le lieu où résidait son trône. Toute déclaration qu'il faisait depuis ce lieu démontre son caractère souverain sur son peuple et sur toute la terre. Aucune armée ne peut le vaincre. Ceux qui combattent son peuple le combattent lui-même. Il cite plusieurs territoires d'Israël pour montrer que c'est sa souveraineté qui règne sur son peuple. Il cite Sichem, la vallée de Soukot, Galad, Manassé, Éphraïm, Juda. Il cite les ennemis d'Israël comme Moab et donc les Philistins pour montrer qu'il va les assujettir à son peuple. Oui, si tu marches avec Jésus de Nazareth, oui, il va t'assujettir tous tes ennemis. Reste fidèle à ce Dieu-là. Il va triompher. Il nous délivre de nos ennemis et nous fait triompher sur eux. Il dit, je triompherai dans ma sainteté. Je triompherai à partir de mon sanctuaire. Troisième vérité, le secours de l'homme n'est que vanité, mais le secours divin nous permet de faire des exploits. David a compris cette leçon, c'est pourquoi il fait cette prière à Dieu. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité, au verset 13. Je veux parler à quelqu'un. Tu cherches le secours auprès des hommes de ce monde. Chaque fois que tu as un problème d'argent, tu penses à ton oncle parce qu'il est ministre, parce qu'il est commandant dans l'armée. Mais tu dois chercher le secours auprès de Dieu. Le secours de l'homme n'est que vanité. Dieu mettait en garde son peuple qui allait chercher le secours en Égypte. Il dit, l'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera et tous deux, ils périront. Tous ensemble, ils périront. Ésaïe 31, verset 3. Certains cherchent le secours auprès des hommes de ce monde, d'auprès des marabouts, des hommes puissants, des chefs des armées, etc. Mais ces hommes sont passagers et mortels. Nous devons chercher notre secours en l'Éternel. David termine avec cette affirmation. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Que quelqu'un dise avec Dieu, je ferai des exploits. Il écrasera mes ennemis. Un exploit, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Oui, tu dois savoir avec Dieu, tu vas impacter ta génération. Je vais parler à un jeune. Oui, avec Dieu, tu feras des exploits. Tu as ton diplôme. Tu cherches du travail. Le Seigneur te dit, il faut commencer une petite et moyenne entreprise. Et avec Dieu, tu peux faire de grands espoirs. Tu peux devenir un patron d'entreprise. Ce que tu as commencé peut devenir une grande entreprise qui peut s'installer dans plusieurs pays africains. Avec Dieu, tu feras des espoirs. Lorsque David dit avec Dieu, nous ferons des espoirs, il veut montrer notre dépendance de Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais si nous sommes avec lui, c'est-à-dire lorsque nous marchons avec lui et que nous confions en lui, nous ferons des exploits. C'est alors qu'il écrasera nos ennemis, comme il a fait avec les Syriens et les Édomites. Aujourd'hui encore, si nous marchons avec le Seigneur et que nous confions en lui, nous pouvons faire des exploits dans plusieurs autres domaines. Dans le domaine politique, tu peux être un homme politique avec Dieu, avec Jésus, tu peux faire des exploits. Même si tu as démarré un parti politique qui n'est pas encore connu. Mais dans 2 ans, dans 3 ans, tu deviendras un grand homme. Mais il faut te confier en lui. Dans le domaine social, tu peux faire des exploits aussi. Tu peux faire des exploits dans le domaine économique, dans le domaine financier, dans tes études. Oh, jeune homme, jeune fille, tu peux faire des exploits. Tu peux être distingué. Tu peux avoir la bourse d'études pour aller étudier en Europe, aux États-Unis, dans des grandes universités. Avec Dieu, tu peux faire des exploits. Nous pouvons ressembler à Joseph, à Daniel, à Néhémie, qui furent des exploits avec le Seigneur, qui ont relevé l'économie. Joseph a relevé l'économie de toute une nation. Et il est devenu le berger de ses frères. Avec Dieu, tu peux faire des exploits. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ce cantique. Seigneur, tu es Alléluia, gloire au Seigneur, il mérite l'honneur, il mérite la gloire. Je te demande de louer ce Dieu, de lui dire merci, lui qui t'a gardé toute la nuit, lui qui te protège, lui qui va accomplir des exploits avec toi, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Nous prions aujourd'hui avec le psaume 60. Au microphone, votre serviteur révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous saluons tous ceux qui suivent OSB, partout où vous êtes, en Côte d'Ivoire, en dehors de la Côte d'Ivoire, au Congo RDC, à Brazzaville, au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie, au Maroc, en Allemagne, en Belgique. Oui, aux États-Unis, en France, au Canada, partout où vous êtes, partagez OSB par WhatsApp afin que plusieurs personnes puissent apprendre à prier chaque jour et surtout le matin. Nous diffusons cette émission en direct à partir d'Abidjan sur la Nationale des Églises Protestantes Évangéliques, la radio Fréquence Vie. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous prions sur le psaume 60 comme nous l'avons dit. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour tous ceux qui vivent des moments difficiles et qui ont l'impression que Dieu les a abandonnés. Et prions pour eux, afin que Dieu les soutienne dans les épreuves qu'ils traversent. Que Dieu fortifie leur foi, afin qu'ils restent fidèles et fermes. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, tu as été si bon pour nous. Tu as fait de grandes choses pour nous. Lorsque nous étions dans la détresse, lorsque nous étions abattus, lorsque nous étions entraînés par le train de ce monde, tu as eu pitié de nous. Tu as écouté nos cris. Tu nous as délivrés des griffes, des puissances, des ténèbres. Tu nous as restaurés et tu nous as transportés dans ta lumière. Ce matin, c'est avec joie que nous invoquons ton nom et nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Nous prions pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui passent par des moments de difficulté, pour tous ceux qui sont harcelés chaque jour. Nous demandons, ô Dieu, aie pitié d'eux. Écoute leurs cris, descends, délivre-les des traits enflammés de l'ennemi. Encourage-les, ô Père éternel. Ta parole déclare que lorsqu'on tourne vers toi, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Viens à leur secours, délivre-les, fortifie-les, restaure-les et encourage-les. Éternel Dieu, toi qui es fidèle, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, écoute les prières de tes saints. Écoute-les, ô Père éternel, et délivre-les du filet de l'oiseleur. Nous te disons merci, parce que nous avons mis notre foi et notre confiance en toi. Et nous savons que tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui n'abandonne pas. Tu es le Dieu qui ne déçoit pas. Tu es le Dieu qui nous aime de façon inconditionnelle. Nous disons merci, Père éternel, pour nos frères, nos sœurs, qui traversent des moments de difficulté et qui ont été délivrés à la gloire de ton Saint Nom. Pour être tes témoins, c'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier pour que nous ayons de plus en plus confiance en la délivrance divine et réclamons l'accomplissement de cette promesse. Je triompherai. Nous avons besoin d'expérimenter les triomphes divins sur nos ennemis, la chair, le monde, Satan. Prions le Seigneur. Gloire à toi ce matin, notre Dieu, notre Père. Merci parce que nous pouvons toujours compter sur toi. Tu es le maître du ciel et de la terre. Le pouvoir t'appartient. Tu es le Créateur. Tu es celui-là qui domine sur toutes choses. Gloire te soit rendue à toi seul, le Maître, le Seigneur, le Souverain, le Dieu des signes, Dieu des prodiges, Dieu des miracles. Nous pouvons toujours compter sur toi, parce que c'est toi qui délivres, c'est toi qui libères, c'est toi qui affranchis, c'est toi qui as le pouvoir, notre Dieu, notre Père, de renverser toute forteresse. Nous pouvons compter sur ton pouvoir, que tu délivres du pouvoir des démons. Tu chasses l'homme fort de nos familles, tu brises son pouvoir, tu renverses ses forteresses et tu nous rends libres. Pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te louer, pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir voyager, nous marier, faire ton œuvre. Nous croyons dans le pouvoir de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir du Saint-Esprit, du sang de Jésus-Christ, de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, vers qui pouvons-nous aller pour être délivrés? C'est vers toi qui va nous guérir de toutes sortes de maladies. Qui va nous délivrer de la puissance des démons, de la puissance des sorciers, de la puissance des envoûtements, des sorts, de tout pouvoir maléfique. Merci Seigneur. Notre confiance est placée en toi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la capacité d'accomplir des exploits. Parce que David dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Tu vas prier pour que tu puisses accomplir des exploits. Sur les plans sociaux professionnels, dans tes études, dans tes projets, dans ton commerce, dans tes affaires, dans tous les domaines que les chrétiens, les hommes d'affaires, que les hommes de Dieu même, nous puissions accomplir des exploits, même dans ton ministère. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. force dans la prière. À toi, notre Dieu, toute la gloire, à toi l'élévation, la victoire t'appartient, parce que tu l'as acquise par le nom de Jésus-Christ à la croix, et tu nous as affranchis, tu nous as libérés. Chaque jour, nous sommes fortifiés, nous sommes bénis, tu nous donnes de l'aide contre l'adversaire, tu nous permets de marcher dans la vision prophétique de chaque vie que tu nous as donnée. Et merci pour ton esprit. Et ce matin, tu nous rappelles qu'avec toi, ô Dieu, nous ferons des exploits. Nous serons victorieux. Et donc, je prie pour quiconque à l'écoute de ma voix reçoive la grâce dans le domaine où elle espère, où il espère, reçoit l'onction pour faire des exploits au nom de Jésus-Christ. Ce jeune homme reçoit la grâce, l'onction pour faire des exploits dans ses études au nom de Jésus-Christ. Les exploits en informatique, les exploits dans nos carrières, les exploits dans l'administration, les exploits dans le système militaire, les exploits dans le ministère spirituel que nous avons en tant que serviteurs, en tant que servantes. Père, donne-nous de faire des exploits dans l'intelligence, dans la sagesse, dans ce que nous faisons. Que tout ce que nous faisons émerge, soit à la hauteur, soit au-dessus de toute autre personne, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu nous équipes de cette grâce. Tu nous fais avancer, tu nous fais progresser. Et rien ne pourra nous empêcher de faire des exploits avec toi. Nous écraserons tous nos adversaires et nous allons avancer. Merci et merci au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.